Chapitre 7. À la guerre comme à la guerre. Les gens de la veillée pensaient: l'esprit de la pauvre demoiselle reine revient chez nous parce qu'on l'a chassée de ses autres manoirs. C'étaient de bonnes âmes, depuis les quatre Gothons jusqu'au petit Coquetier, en passant par les quatre Mathurins. Ce que nous ne saurions point dire, c'est la pensée de maître Vincent Gueffès, le Normand, dont le front se plissait sous les mèches rudes et bas plantées de ses cheveux. Devant la chapelle, dans les cimetières servant de place publique au pauvre village de Saint-Jean, il y avait un grand fracas de fer et de chevaux. Des torches allumées secouaient leurs crinières de feu. Les trompes sonnaient, appelant les fidèles sujets de Monseigneur le duc François. Il pouvait être 11 heures de nuit. Les cabanes et les fermes se vidèrent. Pas un ne resta dans son lit, ni au coin du foyer. Les hôtes de Simon le Priol, et Simon le Priol lui-même, avec sa femme, son fils et sa fille, se rendirent sur la place, car il y avait amende contre ceux qui faisaient la sourde oreille au mordement de la cour. En tout, hommes, femmes, enfants, le village de Saint-Jean comptait 60 ou 80 habitants qui se rangèrent en cercle autour des torches plantées en terre. C'était un chevalier avec silence et une douzaine de soudards qui escortaient le héros du prince breton. Le chevalier avait une armure toute neuve qui reluisait au rouge éclat des torches. Sa visière était baissée. Les trompes sonnèrent un dernier appel et le héros leva son guidon d'hermine. Le silence n'était guère troublé que par les chiens du village, qui hurlaient à qui mieux, n'ayant jamais vu pareille fête. « Or, écoutez, Jean de Bretagne, dit le héros, de par notre Seigneur, haut et puissant prince François premier du nom, monsieur le sénéchal fait savoir à tout sujet du duché de Bretagne, grand vassaux, vavasseur, omlige, bourgeois et vilain, que monsieur Hugues de Maurevers, chevalier, seigneur du Rose, de l'Aumône et de Saint-Jean-des-Grèves, s'est rendu coupable du crime de haute trahison. Par quoi la volonté de mon dit seigneur François est que le dit Hugues de Maurevers avoir la tête tranchée de la main du bourreau et voir ses biens et domaines confisqués pour le profit de la sentence. À quiconque livrera le dit traître Hugues de Maurevers à la justice ducale, 50 écus d'or être comptés sur les finances de mon dit seigneur. La dite sentence, pour que nul n'en ignore, criée à son de trompe dans toutes les villes, bourgs, villages, hameaux et lieux de l'évêché de Dole, et le double être cloué sur la porte de l'église. Le héros déplia un petit carré de parchemin qu'un soudard alla clouer à la porte de la chapelle. Toute cette mise en scène frappait de terreur les pauvres habitants du village de Saint-Jean, quand les soudards reprirent les torches plantées en terre et que l'escorte s'ébranla, chacun voulut s'en retourner au plus vite. Mais on n'était pas au bout. C'était seulement la parade solennelle qui venait de finir. Le chevalier, qui semblait assez fier de son armure toute neuve et qui s'était tenu raide sur son grand cheval pendant la proclamation, prit la parole à son tour. « Hola, mes garçons, dit-il au soudard, faites-vous des amis parmi ces bonnes gens qui s'éparpillent là comme une volée de canards. Ils vont vous donner l'hospitalité cette nuit. » Aussitôt chaque soudard courut après un paysan. Les hommes d'armes restèrent avec le héros et leur chef. Celui-ci tenait déjà le petit Jeannin par une oreille. « Petit gars, lui demanda-t-il, sais-tu la route du manoir de Saint-Jean ? » Jeannin avait grand peur, quoique la voix du chevalier fût pleine de rondeur et de bonhomie. Il répondit pourtant. « Le manoir est près d'ici. » « Eh bien, petit gars, prends une torche et mène-nous au manoir. » Jeannin prit une torche. « Hola, Conan, Mary, Kervoz !» cria le chevalier en s'adressant à quelques archers au nombre de 6 restés dans le cimetière. Vous nous apporterez au manoir du pain, des poules et du vin. Petitot, marche devant. Jeannin leva la torche et obéit. Le chevalier, suivi des 6 hommes et du héros, chevauchait derrière lui. La lumière de la torche éclairait vivement la taille gracieuse de Jeanne et mettait des reflets parmi les boucles de ses longs cheveux blonds. « Voilà un gentil garçonnet, » dit le chevalier. « Petiot, tu n'as pas envie de monter à cheval et de faire la guerre ?»« Non, monseigneur, » répliqua Jeanne en tremblant. « Mais pourquoi cela ?»« Tout le monde dit que je suis poltron comme les poules, monseigneur. » Le chevalier éclata de rire. « À la bonne heure, » s'écria-t-il, « voilà une raison. »« Eh, tu n'as pas envie non plus de gagner les 50 écus nantais ?»« Ah, monseigneur, » interrompit Jeanne, oubliant tout à coup ses craintes, « si on était sûr de gagner 50 écus nantais en faisant la guerre, je tuerais un Anglais par écu et un Français par-dessus le marché. » « Diable, diable !» fit le chevalier qui riait toujours. « Tu aimes donc bien les écus nantais, Petiot ?» Dans l'idée de Jeanne, les 50 écus nantais, c'était la main de la jolie Simonette. Aussi répondit-il sans balancer. « 50 fois plus que ma vie, monseigneur !» Le chevalier se tenait les côtes et sa suite riait aussi de bon cœur. « Oh, le drôle de garçonnet » s'écria-t-il. « Petiot, si tu n'es pas poltron, comme tu le dis, tu es du moins avare, et l'avarice ne vient guère à ton âge. » Jeanne se retourna et montra son joli visage souriant. « Oh, je ne suis pas avare, monseigneur, » dit-il. Le chevalier était un bon diable, paraîtrait-il, car il s'amusait franchement à cette naïve aventure. En continuant de causer avec Jeanne, il lui montra qu'il savait fort bien pourquoi le jeune homme désirait les 50 écus nantais. « Oh !» fit Jeanne étonnée. « Vous avez donc écouté à la porte du père le Priol, vous ?»« Non, mon fils, » répliqua le chevalier. « Mais je sais cela, et bien d'autres choses encore. »« Est-ce que nous sommes arrivés ?» Le chemin tournait en cet endroit et démasquait le manoir de Saint-Jean, dont les murailles blanchissaient aux rayons de la pleine lune. Au moment où l'escorte dépassait la grande haie qui bordait le chemin, un vague mouvement se fit à l'une des fenêtres du manoir. On eût dit qu'une ombre rentrait dans la nuit. « Écoute, » dit le chevalier au petit Jeanne, en prenant un ton plus sérieux, « tu es bien pauvre, mon mignonnet, mais le duc François est bien riche. Moi qui sais tout, je sais que le traître Hugues de Maurevers est caché dans le pays. Conduis-nous à sa retraite, et foi de chevalier, je te jure que tu épouseras la fille de Simon le Priol. » Jeanne demeura un instant comme étourdi. Puis il se signa et recula de 3 pas. Puis encore sans répondre, il jeta sa torche dans le fossé et prit sa course à travers champs. Il a jeté sa torche comme mon cousin Aubry jeta son épée, grommela le chevalier sous sa visière. Il resta un instant pensif, puis reprit tout haut et gaiement. Allons, mes compagnons. Nous aurons bon gîte et bon souper cette nuit, au manoir. » Ils gravirent le petit mamelon et n'eurent pas besoin de frapper à la porte pour entrer dans la maison de Hugues de Maurevers, car il n'y avait plus de porte. Le chevalier regarda, d'un air de mauvaise humeur, les premiers signes de dévastation qui se montraient au dehors. « Sapreblé, » grommela-t-il en descendant de cheval, « je ne veux pas qu'il me gâte comme cela mes domaines. » On entra. Le vestibule était plein de flacons vides et d'assiettes brisées. La porte de la grande salle avait servi à faire du feu. « Sapreblé, sapreblé !» répéta le chevalier. Les meubles de la grande salle étaient en miettes. « Sapreblé !» Dans la salle à manger, le vaisselier était vide. « Sapreblé, sapreblé !» Et ce fut à grand-peine que dans tout le reste du manoir, on trouva un fauteuil boiteux pour asseoir le pauvre chevalier. « Sapreblé, sapreblé, sapreblé !» Il n'était pas content, ce chevalier. Du tout, mais du tout. Les meubles de M. Hugues de Maurevers n'étaient pas coupables, se disait-il avec mélancolie. Et sa vaisselle n'avait jamais fait de mal à notre seigneur le duc François. Voilà des coquins qui me ruineront en frais d'achat et réparation. Il s'assit et ôta son casque. Ce casque seul nous a empêchés jusqu'ici de reconnaître notre bon camarade Méloire, ancien porte-bannière ducal. Il n'avait pas encore accompli la promesse qu'il avait faite de trouver le sire de Maurevers, mais il s'y était employé de si grand cœur que François l'avait récompensé d'avance en lui chaussant les éperons. et comme il faut laisser un aiguillon au dévouement même le plus ardent, François lui avait promis, en cas de réussite, les domaines confisqués du Rose, de l'Aumône et de Saint-Jean-des-Grès. De sorte que notre excellent compagnon Méloir avait dès ce moment toutes les sollicitudes du propriétaire. C'était son bien que les soldats de François avaient dévasté. Maurevers lui-même n'aurait pas jeté un regard plus triste sur sa maison saccagée. Heureusement, Méloir n'était pas homme à rester longtemps de mauvaise humeur. Il lança un dernier sapre-bleu, moitié comique, et déboucla son ceinturon. « Trouvez des sièges, mes enfants, » dit-il en se carrant dans l'unique fauteuil. « Ou asseyez-vous par terre, à votre choix. Je suis désespéré de ne pouvoir vous offrir une hospitalité meilleure. Mais voyons, on peut amender cela. Keravel, toi qui es un vieux soudard, va voir à la cave s'il reste en quelque coin des bouteilles oubliées. Rochemesnil, descends à l'écurie et apporte ta charge de bottes de foin pour faire des sièges. Péan, tâche de trouver quelques volets. Nous en ferons une table. Et toi, Fontébrault, cherche une brassée de bois pour combattre le vent des grèves qui vient par les fenêtres défoncées. » Les quatre hommes d'armes sortirent et revinrent bientôt les mains pleines. En même temps, Mary, Conan, Kervoz et d'autres archers arrivèrent apportant une paire d'oies, des poules et des canards avec d'énormes pichets de cidre. La situation s'améliorait à vue d'œil. Keravel avait trouvé dans un trou de la cave une douzaine de vieux flacons qui semblaient dater du déluge. Les bottes de foin faisaient d'excellents sièges. Les volets appareillés donnaient une table vaste et fort commode. Il n'y avait pas de nappe, mais à la guerre comme à la guerre. Un grand feu s'alluma dans la cheminée, au-dessus de laquelle l'écusson de Maurevers, martelé par les soudards, montrait encore ses émaux, d'or à la face d'azur. À mesure que le bois vert pétillait joyeusement dans l'âtre, la gaieté s'allumait dans tous les regards. Hommes d'armes et archers se mirent à plumer la belle paire d'oies, les canards et les poules. Le héros prêta sa longue et mince épée de parade pour faire une broche, tandis que le sieur de Keravel, Lance de Clisson et Arthur de Fontebrault, hommes d'armes de Rohan, deux beaux soldats ma foi, battaient des omelettes dans leur casque. Méloir regrettait que sa nouvelle et haute dignité ne lui permît point de partager ses appétissants labeurs. Il avait quelques teintures de la cuisine. Il donna de bons conseils. Et pour faire quelque chose, il vida deux flacons de vin du midi qui achevèrent la déroute de sa mélancolie. Au diable les soucis! L'immense rôti tournait devant le brasier par les soins de Conan et de Kervoz. La table était dressée. Et après tout, le vent qui venait par la croisée n'était que la bonne brise du mois de juin. On devisait. « Ah ça !» disait Keravel. « Savez-vous le nom de cette maladie-là, vous autres ? Depuis que le duc François, notre cher seigneur, est rentré en Bretagne, il enfle, il enfle. » « Je l'ai vu voilà 3 jours passés, en la ville de Rennes, » répliqua Fontebrault, « au palais ducal de la Tour-le-Bas. S'il n'avait pas eu sa couronne tréflée, je ne l'aurais pas reconnu. » « Couronne tréflée ? » s'écria le héros qui avait nom Jean de Corson. « Où vîtes-vous cela, messieurs ? Croix tréflée, je ne dis pas, mais il n'entra jamais de trèfle en une couronne, si ce n'est en celle de David et d'Assuérus. La couronne, messire, est le signe ou l'enseigne des dignités de nos seigneurs. Fermée et croisée pour souverain, coiffant le casque de face, la grille haute. Au baron, le simple diadème. Au comte, les perles sans nombre. Au duc, les feuilles d'ache, d'acanthe ou de persil. Donc, sa couronne persillée, messire de Corson, rectifia gravement Artus de Fontebrault. Sans compter, dit Méloir, qu'un bouquet de persil ne serait pas de trop dans la sauce de ses oies. Mais voyez donc quelle noble bête! Elles étaient déjà dorées, et leur parfum violent dilatait toutes les narines. La maladie de notre seigneur François, reprit Méloir, a un nom de 2 zones qui commence comme le mot hydromel et qui finit en grec à la manière de tous les noms païens inventés par les fainéants qui savent lire. Nous sommes de fidèles sujets, n'est-ce pas? Eh bien, prions saint François de guérir le seigneur duc et soupons à sa santé, comme des Bretons. La proposition était trop loyale pour n'être point accueillie avec faveur. les deux oies, les canards, les poules, et peut-être un paon que nous avions oublié dans le dénombrement des volailles assassinées, furent placés fumants sur la table, et tout le monde fit son devoir.